encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes accompagné ce soir de Bruno Côté à la mise en onde. On vient juste d'arriver, là on est arrivé à la course un peu. Et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical, deux heures de bon rock progressif. On a quand même quelques nouveautés pour vous encore ce soir. Et toute la musique récente, puisqu'on aime faire découvrir Terra Incognita. Et également, vous savez qu'il y a le festival Terra Incognita qui s'en vient en 2020, qui est aussi un festival de découverte qui va avec ça. Alors, allez faire un tour sur notre site www.terraincognita.québec et vous allez avoir tous les détails, aussi accès aux podcasts, les contenus d'émission et tout ce qu'on fait jouer. Vous pouvez les réécouter si vous avez manqué l'émission. Alors, n'hésitez pas. Alors, on va débuter ce soir avec une nouvelle formation italienne. C'est un album qui paraît sur l'étiquette Black Widow. C'est paru le 31 octobre. L'album Destinazioni de nouveau groupe Melting Clock. Melting comme les montres molles, si on veut, de Dali. Les montres qui sont en train de fondre. Alors, c'est rock progressif avec un chant féminin. C'est quand même assez doux comme musique, mais c'est un bon album à découvrir. Alors, on va découvrir ça ensemble, Melting Clock, avec la pièce Kaleidoscopo. Ce sera suivi de, en tout cas, c'est un des meilleurs albums de rock progressif italien de cette année. Et j'ai nommé Il Giardino Onirico, tiré de l'album Apophenia. On aura la pièce Onironauta. Ça, c'est une pièce instrumentale. C'est la pièce qui ouvre cet album. Et on aura également le nouveau Flower Kings, de Flower Kings qui reviennent avec, après plusieurs années, avec un nouvel album Waiting for Miracles, un album double. Et on aura une pièce instrumentale, une courte pièce Ascending to the Stars. Puis on aura une autre un peu plus tard dans l'émission. Alors, on y va tout de suite avec la nouvelle formation italienne Melting Clock. We'll be right back. nel qui e nell'ora in memoria. Il piombo nei miei ottimi è un compromesso ed è già scritto. Il mio orizzonte immobile, sicuro ed indelebile, si fa artificio sterile. vieni più vicino. Piano, piano, saprai che il dubbio è regola. La consistenza labile. CKRL. Restez les bras entre nous, nous en ferons un brasier. C'est notre tour de briller, non, ça ne va pas changer. Les Sœurs Boulay prennent la route du Québec pour présenter leur tout nouveau spectacle. Venez y découvrir les chansons de leur plus récent album intitulé « La mort des étoiles ». À trop boire, à la source des faiseurs d'histoire, dans la course à la meilleure tempête. Pour plus de détails sur les tournées, visitez lessœursboulay.ca. L'album « La mort des étoiles » est disponible partout. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou au 418 717 2222. Bon, silence. Ready, ready. Dès le 6 décembre, venez découvrir le nouveau cinéma Le Clap de Place Sainte-Foy. En décembre, voyez au Clap Loretteville et celui de Place Sainte-Foy, Playmobil, le film, dès le 6 décembre, Jumanji, le prochain niveau, dès le 13, Star Wars, Ascension de Skywalker, dès le 20, et Espace Incognito, dès le 25 décembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Alors, juste avant la pause, c'était The Flower Kings, tiré de leur plus récent album Waiting for Miracles, une pièce instrumentale. Là, il y en a quelques-unes sur cet album-là, qui est un album double. C'était la pièce Ascending to the Stars, un extrait, en fait. On avait eu juste avant le groupe italien Il Giardino Onirico, tiré de leur nouvel album Apophenia. Et c'est, en fait, leur troisième album. Et on avait débuté avec Melting Clock, une nouvelle formation italienne, et leur nouvel album, Destinazioni. C'était la pièce Kaleidoscopo. On va poursuivre avec The Flower Kings, qui seront en spectacle en 2020 à Québec. En fait, c'est le 3 avril à la Polyvalente de Charlebourg. Avant ça, c'est probablement la salle Montagne, là, j'imagine, ça c'est du Cégep, c'est vrai. Non, tandis que ça, c'est la Polyvalente de Charlebourg, c'est vrai. Mais de toute façon, les billets sont en vente, là. Allez voir, juste taper Flower Kings Québec 2020 et vous allez le trouver. Avant ça, il y a le 4 janvier, The Musical Box avec le Extravaganza 2, un autre spectacle qu'ils ont monté avec des pièces, j'imagine, qui sont très rares et ils se font un plaisir et c'est très très bon d'aller voir The Musical Box. Si vous les avez jamais vus, ben ça vaut la peine. Si vous les avez déjà vus, ça vaut la peine. Il y a Stickman aussi qui vont être là au mois d'avril, au Palais Montcalm et Terra Incognita les 15, 16 et 17 mai. Allez faire un tour, là, comme je disais, sur notre site pour avoir les détails. Le vendredi soir, il y aura 35 Tapes. C'est un nouvel album qu'ils ont sorti cette année. C'est des musiciens qui ont débuté dans les années 70. Ils sont de la Norvège. D'ailleurs, sur le livre rock progressif norvégien que Michel a écrit, il y a une compilation qui vient avec ça. Il y a une pièce de 35 Tapes là-dessus. Et il y a des entrevues justement avec 35 Tapes qui nous parlent donc des 35 rubans là, qui composent un mélotron. Et après ça, Anekdoten de la Suède, eux aussi, le mélotron, ça fait partie de leur vie, comme vous le savez. Anekdoten qui feront en intégrale l'album V-Mod, non pas V-Mod, le second album Nucleus, et qui feront quelques pièces de V-Mod aussi. Ensuite, le samedi, il y aura ES Project de l'Italie en duo pour débuter l'après-midi. Ensuite, Sintonia Distorta, nouvelle formation italienne. Professeur Tip Top de la Norvège. Et Anekdoten qui feront un spectacle là, qui couvre là, tout leur album, leur carrière. Le dimanche, il y aura ES Project aussi pour débuter. Ensuite, la formation américaine Head with Wings. Et la formation italienne Quelque Disse il Trono et la formation italienne La Maschera di Cera avec Fabio Zuffanti et Alessandro Corvaglia. Ensuite, il y aura également des musiciens qui étaient dans le Z-Band qui les accompagneront, dont le guitariste et Martin Bryce aussi, qu'on a déjà vu là, avec le Z-Band à Québec. Alors, j'ai très hâte et on a très hâte. Les billets sont en vente. C'est au Centre d'art La Chapelle. On poursuit en musique avec The Flower Kings, un second extrait de cet album-là, la pièce de Rebel Circus. Une autre pièce instrumentale, on en aura d'autres pièces chantées, c'est certain, dans des émissions qui vont venir. Là. Et également, mon album, un de mes albums coup de cœur de l'année, de cette année, Don't Panic, de His, et la superbe pièce 42. Moi, je pense que c'est la meilleure pièce de prog là, de 2019. On y va donc avec The Flower Kings et His. Thank you. traditions of innocence. Celebrating in 55, all is possible and at last. 42 because it's 55. 42 because it's 55. 42 because it's 55. 42 because it's 55. 42 because it's 55. Spikes on their feet and we cried, we cried. Had to throw us over the moment, around the above this game, whatever our hearts imagine. is life. I don't care if it happens, don't give in to fear and strife. Yet a better tomorrow won't be such a lonely place. I don't care if it happens, don't be late to live this life. I don't care if it happens, don't give in to fear and strife. In a better tomorrow it won't be such a lonely place. It's a lonely place. It's a lonely place. 42, it causes 55. 42, it causes 55. 42, it causes 55. Check it out. CKRL. Fortune Cookie Club lance son anthologie. Fortune Cookie Club a réuni tous ses albums dans un seul kit, incluant un vinyle, un nouveau mastering et la nouvelle chanson Perdue dans les possibles. J'te rends ton corps. Les chansons de la gloire disponibles le 25 octobre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Les chansons de la gloire maintenant sur bandpromo.co. Le 19 décembre, au Grand Théâtre, assistez à la toute dernière représentation du spectacle « Viens avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Cet opéra rock déjanté, sur fond de rock psychédélique, influencé par la musique des années 70, est une épopée rocambolesque, avec pas moins de 13 personnes sur scène. Voyez « Les Hôtesses d'Hilaire » le 19 décembre au Grand Théâtre de Québec. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide, ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide, ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10$ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Et de retour à Terra Incognita. Vous êtes toujours en compagnie de Bruno et Marc depuis une heure maintenant. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la formation américaine His, tirée de leur plus récent album Don't Panic, la pièce 42. On avait eu The Flower Kings qui avait débuté le bloc avec leur nouvel album Waiting for Miracles. Maintenant, on va. Je voulais vous parler un peu du magazine progressiste, et un magazine belge. On vient de recevoir le nouveau magazine, le numéro 98. Là, j'ai eu le temps d'écouter la compilation une fois et de feuilleter un peu. On vous en parlera dans les prochaines émissions. Et la compilation est vraiment intéressante. Là, j'ai une première écoute. Ça débute d'ailleurs avec Antilabé, qui est un groupe chroniqué dans le livre que Michel a écrit, Rock Progressivo Italiano Volume 2. Et il y a justement une compilation qui vient avec ça, une pièce de Antilabé, mais qui n'est pas celle-là. Il y a une pièce de Conqueror, c'est un album que j'ai bien aimé. Elephant Nine, Esthesis, qui est une découverte pour moi. Galad, le groupe de la Suisse, ils ont mis la même pièce là, que j'avais sélectionnée quand je vous en avais fait jouer de leur nouvel album. Ensuite, Cadavra, qui est aussi une découverte pour moi. Il y a Panzer Papa, que je connais un peu, et Analogy. Alors, ça va être à découvrir. On vous en parlera dans les prochaines émissions, c'est certain. On y va en musique maintenant avec une nouveauté du Royaume-Uni. C'est la formation Diagonal. Et c'est leur troisième album. Ils avaient fait un premier album en 2006. Puis, il y a eu un autre album qui est paru, mais le groupe, il semble qu'il était plutôt en arrêt. Puis là, ils sont arrivés avec un nouvel album cette année, un album Arc, intitulé Arc. On aura la pièce Citadel. Et aussi, on aura la formation du Royaume-Uni Capricorn's Constant, que j'aime bien, avec d'ailleurs David Jackson, qui était dans Vandergraaf Generator, qui fait partie de la formation, sa fille qui chante, et surtout les deux compositeurs principaux. Et c'est un album intéressant, Death of Field. Moi, j'aime bien. Hein. On aura la pièce... White Stars Sunrise. C'est des longues pièces, là. On se fait plaisir. Alors, on y va tout de suite avec Diagonal.

Queen's Island were running for hours, spilling Belfast out onto the quay. The north wind was chilling the bright autumn day, grey as the suits and the sea. The great and the good draped in scarlet and white stole the eyes from the black gang below. Rockets fired skyward and keel blocks away, meet the star of the White Star Show. In 62 seconds the slipway was clear, a deafening roar split the skies. The finally waterborne queen of the seas, the virgin white tower in sight. Why? can shatter all our broken spells. Watcher and the dancer, landbound and tied as death. As twilight comes, they'll sing their songs that scatter you and steal your breath. And the sisters three should carry you home across the tides of the siren seas. But the sisters three will hold tragedy in the wake of our silent screams as they sail through our dreams. Judgment comes for childhood deeds as they sail. Thank you. Britannic. 6 months before World War I, the Britannic is also doomed. Born into war, they just belts her and shoves her in. We had a full lifeboat, and when we got lowered down, we drifted because we couldn't get all the oars out too. Well, we were always told that that ship could never sink. And then suddenly, it stood up on end. Propellers. We were just looking up there, but we saw, I saw one lifeboat in the propeller. They never had any chance. If they'd stopped the engine, those people would not have been cut up as a propeller. Fair game for the high command. The brave ship sails alone unarmed. No mercy in the filth of war. The Hague Convention's rotten core. Torpedoes, new boat tire. Survivors caught in machine guns fire. Doctors, nurses, reluctant tars. Bidding lovers au revoir. Brave Britannic, survivor's dream. A refuge in red, white and green. Sanguine ocean calls her home. With violet sides, flesh grim resolve. Switchblades crashing down. Test the girl who will not drown. Great ship shares her sister's curse, but no match for a simple nurse. Fair game for the high command. The brave ship sails alone unarmed. No mercy in the filth of war. The Hague Convention's rotten core. Torpedoes, new boat tire. Survivors caught in machine guns fire. Doctors, nurses, reluctant tars. Bidding lovers au revoir. My opinion is you both are talking. They half-seeded it because, as I told you before, on the first journey, I saw the a ghostly presence from the world of air and sunlight. The corpse of the great liner now belongs to another element. And the sisters three should carry you home across the tides of the siren seas. But the sisters three will hold tragedy in the wake of our silent streams as they sail through our dreams. Judgment comes for child. Sail through our dreams. Vous écoutez CKRL 89.1. Slam Disc célèbre avec Groovy Hard Rock le 25e anniversaire de Eater's Digest. Après la réédition de Vacuum, Eater's Digest reçoit le même traitement dans un kit double vinyle disponible dès le 29 novembre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Groovy Hard Rock Eater's Digest 25e anniversaire maintenant sur bandpromo.co. Tu aimerais développer tes connaissances sur les whiskies? La brasserie artisanale La Korrigan organise l'événement parfait pour toi. Samedi le 7 décembre à 16h, assiste à la conférence dégustation à la découverte du whisky canadien, histoire et saveur, animée par François Lebel. Pour seulement 35$, tu auras la chance de déguster des whiskies ainsi que des bouchées spécialement concoctées pour l'occasion. Le tout dans une ambiance chaleureuse. Une soirée qui te mettra instantanément dans l'atmosphère des fêtes. Pour de plus amples informations ou pour acheter ton billet, Korrigan.ca. Le Bal du Lézard vous présente une série de spectacles incontournables. Le rock progressif de Wavo Trio dès le 23 novembre. Lane Indie Rock et Ombre Indie Folk dès le 30. Et venez admirer l'exposition du photographe Patrick Cunningham. Un voyage dans l'univers urbain, mystérieux et fascinant jusqu'au 28 novembre. Pour plus de détails, suivez la page Facebook du Bal. Alors, de retour pour la dernière demi-heure de Terrain Incognita. Ce qui jouait juste avant, c'était Capricars Constant du Royaume-Uni et un autre groupe du Royaume-Uni, Diagonal. Alors, on y va maintenant avec un artiste de l'Arménie, Mikhaïl Abazian, de son nouvel album. Mikhaïl, en plus d'être musicien, et acteur aussi au théâtre. Alors, c'est une œuvre théâtrale, musicale, Westerlies, son troisième album. Alors, on ira avec la pièce Despendencies, ça vient de sortir. Ensuite, une nouvelle formation italienne, Atom Made Earth. Ça, vous pourrez avoir des informations sur Bandcamp. Leur album Severance, on aura la pièce In the Glow. Ça, c'est sorti le 18 novembre. Donc, Atom Made Earth. Vous allez voir, il y a une voix là, un peu comme Tame Impala. Là. Donc, c'est très psychédélique, nouveau psychédélique, si on veut. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et on terminera avec la formation québécoise Visible Wind, tirée de Narcissus Goes to the Moon, avec la pièce Intravenus. On débute avec Mikhaïl Abazian. Oppressed with grief, oppressed with care, a burden more than I can bear, I set me down and sigh. Oh life, thou art a galling load, a long, a rough, a weary road, to wretches such as I. Deem backward, as I cast my view, what sickening scenes appear. What sorrows yet may pierce me through, too justly I may fear. Still caring, despairing, must be my bitter doom. My woes ye shall close ever, but with the closing tomb. Happy ye sons of busy life, who equal to the bustling strife, no other view regard. Even when the wish ends denied, yet while the busy means are plied, they bring their own reward. Whilst I, a hope abandoned white, unfitted with a name, every sad returning night and joyless morn the same. You bustling and jostling, forget each grief and pain. I listless yet restless, find every prospect vain. How blessed the solitary's lot, who all forgetting, all forgot within his humble cell. The cavern wild with tangling roots sits o'er his newly gathered fruits beside his crystal well. Or happily to his evening thought by unfrequented stream. The ways of men are distant brought, a faint collected dream. While praising and raising his thoughts to heaven on high, as wandering, meandering, he views the solemn sky. Thank you. bien dire que tu m'as piégé avec ton regard et ce miroir où le reflet de ton âme. J'ai voulu vivre une autre fois parce que j'ai cru en ce que j'ai vu. Au jour où on se verra sous un autre ciel par un beau soir d'été. Si ce n'est pas toi, mais un autre mirage, l'immensité du ciel me laisse espérer des jours meilleurs. Sans toi, seul l'avenir pourra me dire. Thank you.